أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي أراد الله به خير يسهل له تعلم عن الدين إن شاء الله. نقول مساجد الله صلى الله عليه وسلم دي ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. بسم الله. إذن كنا تكلمنا عن أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى، وشرحنا معرفة الله ما هي. معرفة الله هي معرفة ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى. إذن وهذا يعني من أشياء ضرورية لكي تدرس قبل المدارس الابتدائية لكي تعلم الدين في البلاد الإسلامية. Donc on avait parlé de connaître Dieu, savoir c'est connaître ce qui est digne de lui, ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, et savoir ce qui est possible à son sujet. En fait, c'est connaître ce qui est obligatoire, impossible et possible au sujet de Dieu. Obligatoire, c'est les attributs de perfection. L'impossible, celui de Dieu, tout ce qui est l'imperfection. Et ce qui est possible, créer une chose ou ne pas la créer. Ma yajibu lahu min sifat al-kamal, qudra wal irada, sam' wal basar, ma yastahilu fi haqqihi صفات النقصان وما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه. قلنا هذا إنسان يحفظه. لكن هذه دعوة نيح بحقه. إذن قلنا ثم تكلمنا عن الحكم، إما يكون الحكم العقلي أو الحكم العادي أو الحكم الشرعي. والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. هذا هو الحكم. Donc on a parlé du jugement. Le jugement peut être soit rationnel ou donc le jugement religieux, voilà, et le jugement habituel. Donc les trois sortes de jugement. Et un jugement, c'est confirmer une chose pour une chose ou nier une chose pour une chose. مثال في الإثبات: العالم حادث. confirmer comme par exemple dire le monde est entré en existence. في النفي: الله ليس بحادث. الله ليس بحادث. donc la pour la négation, le jugement dans le sens par la négation, c'est comme c'est-à-dire Dieu n'est pas entré en existence. On a nié l'entrée en existence au sujet de Dieu. Donc, ou confirmer une chose pour une chose, confirmer l'existence, par exemple, pour le monde, ou nier une chose pour une chose, nier le début pour Dieu, par exemple. إذن وقلنا الحكم العقلي العقل تكلمنا عن العقل. ما هو العقل قلنا؟ on a parlé la raison. C'est quoi la raison? Voilà, c'est une caractéristique. Par un caractéristique créé par Dieu qui permet de distinguer le vrai du faux. Qui a été accordé à certaines créatures. Que Dieu a accordé à certaines créatures, les anges, les humains et les djinns. L'aql huwa sifa khalaqa Allah fi al-ins wa al-jinn wa al-mala'ika. ثم تكلمنا الأقسام الحكم العقلي ثلاثة. مثال هذا مذكور في كتاب ابن عاشر معروف العقيدة السانوسية كذلك معروفة الشيخ من تلمسان مشهورة يعني عقيدة السانوسية. Donc par exemple ça c'est expliqué dans les Ibn Ashir très connu dans le Maghreb ou Sanoussi aussi le traité Sanoussi savant qui est de Tlemcen. Donc c'est des traités de base en fait et ils expliquent ces sujets là qui sont importants. Et même qu'on a l'aql shahidun li shara shahid li shara laysa asl. أصل الشرع هو الكتاب والسنة والعقل شاهد معناه كل شيء في الشرع لا يخالف العقل. Donc on a expliqué que la base de la religion c'est le Coran Hadith mais la raison est un témoin. C'est un témoin, c'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et la preuve dans le Coran, on a vu par exemple Sourate Al-Mulk. Dans Sourate Al-Mulk. Et Sourate Al-Mulk, قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Aqsam al-hukm al-aqli, on a trois. Wajib, mustahil, wa al-jaiz. Wajib, mustahil, wa jaiz. Donc les jugements rationnels, jugements rationnels, se divise en trois: obligatoire, impossible, possible. في متن المعاشر قال يمكن نمثل بالحركة والسكون الأقسام ثلاثة. Donc, traité de Mu'ashir, enfin le commentaire de Mayara, il dit on peut donner exemple pour les trois cas avec le mouvement et les mobilités. Pour les trois cas. Alors on va dire ce qu'il a dit. Maza qal? Qal wajib. Mithal wajib anna al-jism yakun yattasif imma bil haraka wa bis sukun. Wajib aqla. Kun imma hadha wa hadha. La. Wa yastahil an yakun la yattasif la bil haraka wa la bis sukun. Hadha mustahil. Wa an yattasif bihima ma'an mustahil. أن يكون الجسم حار متحرك وساكن في نفس الوقت مستحيل. اجتماع ضداني مستحيل وارتفاعهما في نفس الوقت مستحيل. والجائز هو أن يتصل إما بالحركة أو بالسكون. هذا الجائز. إذن الواجب الجسم لابد يكون إما متحرك أو ساكن. واجب عقلا. مستحيل ينتفي عنه الحركة والسكون في نفس الوقت أو يتصف بهما في نفس الوقت. وجائز يكون متصف بالحركة أو بالسكون. إن شاء الله les gens sont concentrés un peu. Ça on répète doucement. On peut s'endormir facilement. في جن اسمه كحيل ورد أن الجن اسمه كحيل يكحل العينين بشترق. هذه مش خرافة، هذه صحيح. il a été rapporté à un djinn qui s'appelle Kahil. Il te passe quelque chose dans les yeux pour que tu n'en aies. Donc, alors, on a dit les trois cas. Il a dit obligatoire. Obligatoire que l'objet soit au mouvement ou immobile, c'est obligé. C'est-à-dire c'est impossible qu'il soit ni au mouvement ni immobile à la fois. Donc ça c'est l'obligatoire. Obligatoirement un objet, un corps, est soit au mouvement ou immobile. Il ne peut pas être ni l'un ni l'autre en même temps. Il ne peut pas être les deux en même temps. C'est-à-dire leur négation en même temps c'est impossible. Et leur réunion en même temps, c'est impossible. Le mouvement et l'immobilité pour un corps. Il ne peut pas se nier en même temps. C'est impossible un corps qui soit ni au mouvement ni immobile. Ça s'appelle impossible rationnel. Et qui soit au mouvement immobile à la fois, c'est impossible rationnel. Donc, c'est l'exemple qu'il a donné. Donc c'est obligé qu'il soit au mouvement immobile à un des deux. Et le possible, c'est qu'il soit tantôt au mouvement ou qu'il soit tantôt immobile. Ça, c'est les trois cas, juste avec le mouvement et l'immobilité. إذن ما تعريف الواجب الواجب هو لا يقبل النفي l'obligatoire c'est ce qui n'admet pas la négation إذن والذات الواحد الواجب الوجود هو الله الذات الواحد الواجب الوجود هو الله le seul être qui a l'existence obligatoire c'est Dieu le seul être qui a l'existence obligatoire c'est Dieu Seul être qui a de l'existence obligatoire, c'est Dieu. Donc, l'existence de Dieu est obligatoire. Et tout ce qui est autre que Dieu admet l'existence ou le néant, comme être. D'accord ? Donc, c'est une nuance à comprendre. Al-Dhat, l'Wajib, l'Wujud, Wahdahu, Hu Allah. Wa kull al-Dhawad, ghayr Allah, taqbal l'Wujud, wa l'Adam. Allah, huwa. Wahdahu wajib al-wujud. Allah seul, il a l'existence obligatoire. Amma ahka al-aqsam al-wajib, yani amthilat al-wajib kathira. Nisf al-ithnain yusawi wahid wajib aqlan. Yani farraqna an dhat al-wajib al-wujud Allah wahdahu. Donc le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Mais les jugements obligatoires, il y en a beaucoup d'exemples. Donc il y a une différence, le jugement obligatoire et l'être qui a l'existence obligatoire, il n'y a que Dieu. Mais les jugements obligatoires, il y en a beaucoup. La moitié de 2, c'est égal à 1, la moitié de 10, c'est égal à 5, tout ça, c'est obligatoire, rationnel. Nisf al-ithnain wahid, nisf al-ashra khamsa, c'est kulha wajib aqlan. إذن كذلك في متن ابن عاشر هذا يقول ينقسم كل من الأقسام إلى ضروري أو نظري للضروري والنظري كل قسم دونك سا سي امبورطون هذه أشياء مهمة تعلمها الإنسان قبل تعلمه فيها سبع سنين واحد ما ماتش ما فاتش الوقت مادام الانسان ما ماتش مازال يقدر يعمل دونك سي امبورطون دو كومبروند ميم افون دان لي بي مسلمون يل انسيني ا 7 ans مي طون كون ني با مور سي با ترو تار كو شيطان يفيان اوسي يدي تي بيرسون اجي يدي اه ساي تو تي فيني فيو ماتنون تو فا ابروند يقولوا في البلاد شاب هزوا للكتاب كيفاش هما يقولوا شاب هزوا للكتاب ولا ils ont des proverbes faux, on bled des fois. Des soi-disant, ça y est, il est devenu vieux, c'est maintenant qu'on emmène à apprendre. Alors que c'est faux. Dans l'islam, on peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas trop tard. Tant que t'as pas vu l'ange de la mort, c'est pas trop tard. Si l'ange de la mort, il arrive, c'est trop tard. Donc, il y a ce qui est obligatoire, évident, il y a obligatoire par déduction. Obligatoire, évident, un corps, il soit en mouvement immobile. Ça, c'est obligatoire, évident. obligé qu'il soit mouvement immobile. C'est évident. Tu n'as pas besoin de réfléchir, donner des preuves. Ça s'appelle évident. هذا يسمى ضروري. جسم إما متحرك أو ساكن. هذا واجب ضروري. نظري مثال. أعطاه مثال ميارة. قال ربع عشر الأربعين. ربع عشر الأربعين يساوي واحد. هذا يسمى واجب نظري. سمعت تخصك تخمم شوية. نظر. لكن واجب. ربع عشر الأربعين يساوي إلا واحد. ما ثمش حل وحده. هذا معناته واجب. لكن يسمونه ماذا؟ نظري. خاصك تخمم شوية تحسب هكا اي ربع عشر الأربعين عشر الأربعين أربعة وربع الأربعة يساوي هذا مثال أعطاه ميارة قديش عنده يعني أكثر مئات السنين دونك ليكزومبل اللي دوني ميارة سادي يا دي سيكل كونت اون دي ميارة إلى دي سيكل دي لا لو كار دو ديزيام دو 40 إيت إيكال أ 1 دي سا سي أوبليغاتوار بار ديدكسيون سي أوبليجي. Il n'y a pas une autre solution. C'est forcément égal à 1, mais tu as besoin de réfléchir. Ça s'appelle donc obligatoire par déduction. Il faut déduire le quart du dixième de 40. Quart du dixième. Donc le dixième de 40 est égal à 4. Le 4 de 4 est égal à 1. Il appelle ça obligatoire et par déduction. Navari en arabe. Et ce qui est évident, pas de réfléchir, il n'y a pas besoin de réflexion, c'est daruri. Il l'appelle. Et ça, c'est important pour comprendre les sujets religieux aussi. Idan, imma daruri ou nazari. Imma, donc c'est obligatoire, évident, ou par déduction. Idan, al-wajib, qu'on a, shrahna, al-mustahil. Mustahil, ma yakbal, la, huwa ma la yakbalu l'ithbat. Qu'al, fi matn mu'ash. فواجب ما لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقل المحال وجائز ما قبل الأمرين. دونك دونك متن معاش دي لوبليغاتوار فواجب ما لا يقبل النفي بحال لا دمي با لا نيغاسيون دي تو وما أبى ثبوت عقل المحال اي سي سكي ندمي با لا كونفيرماسيون راسيونيلمون سي لامبوسيبل وما أبى ثبوت عقل المحال. Donc, c'est, on l'a donné, donc l'impossible, ça n'admet pas. Il y a l'impossible évident, pareil, il y a l'impossible évident. Mustahil, daruri. Mustahil, shay, taharak, ou est-ce qu'on fait nafs al-waqt ? Mustahil, daruri. C'est l'impossible évident. Un objet ne peut pas être en mouvement immobile à la fois, c'est de l'absurde. Et ça, c'est important parce que il y en a qui philosophent, ils dorment dans l'égarement, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ces règles-là. Un corps, il ne peut pas être en mouvement immobile à la fois, c'est de l'absurde. C'est une stupidité, quoi, autrement dit. Il y a, fil mustahil al-nazari. Vous savez, c'est mustahil al-nazari. Il y a l'impossible par déduction. Mustahil al-nazari, al-mithal. الحدوث أو المكان في حق الله تعالى هذا يسمونه مستحيل نظر يحتاج إلى نظر يستحيل الحدوث في حق الله لأنه لو كان محدثا لكان أحتاج لمن أحدثه والمحتاج لا يكون إلها لأدى إلى التسلسل أو الدور وكلاهما محال دور أو تسلسل محال l'impossible par déduction comme l'entrée en existence juge de Dieu. Ça s'appelle impossible par déduction. Parce qu'il faut déduire. Parce que si Dieu était entré en existence, il aurait eu besoin de qui l'aurait fait entrer en existence. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Cela mènerait à l'enchaînement. Donc, l'enchaînement sans fin est ce qui est impossible, en fait, rationnellement. Impossible rationnellement, un enchaînement sans fin dans le passé, c'est impossible rationnellement. C'est impossible rationnellement. Donc, ça, c'est l'impossible par déduction. Quand on dit Dieu, il est sans endroit, il est impossible l'endroit de Dieu, c'est l'impossible par déduction. On dit qu'il est impossible dans le maquin, c'est impossible, nazari, c'est mon nom. On dit qu'il est impossible, c'est يعني قطعي جزم، لكن يحتاج إلى نظر. فهمنا؟ Donc, quand on dit impossible par déduction, c'est catégorique, clair, évident. Enfin, catégorique, c'est-à-dire indiscutable, mais ça nécessite de déduire. C'est ça que, ce qui est visé. D'accord ? C'est ça, par déduction, c'est que c'est clair, c'est catégorique, mais ça a besoin d'être déduit. والجائز أن الجسم يكون متحرك أو ساكن، هذا جائز، هذا جائز، يعني ضروري أن يكون متحرك أو ساكن، يقبل الحركة والسكون الجسم. Et le possible, donc le possible évident, c'est le corps, il peut être en mouvement ou immobile, il admet le soleil, il aurait pu être plus grand, il aurait pu être plus petit, il aurait pu ne pas exister. Donc ça s'appelle donc possible, évident. Al-Ja'iz, on a Al-Ja'iz, Al-Nadari. أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني جائز، الله لا يحتاج إلى المخلوقات، فإن هذا يحتاج إلى نظر، بما أنه لا يحتاج للأنبياء ولا الملائكة، جائز عقلا يعني يعذبهم، لكن الله أخبر أنه لا يعذبهم، فلا يستحيل الخلف في القول في حقه تعالى. أما من حيث العقل جائز، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن هذا يسمى جائز النظر، يحتاج إلى نظر، لأنه علاش لو واحد مش متعلم يقول الله جائز أن يعذب الملائكة والأنبياء والذين أطاعوا، قد ما يفهمهاش، تحتاج إلى نظر، بما أنه هو لا يحتاج إليهم، هو خلقهم وحركات الأنبياء والملائكة خلقها الله وعصمتهم من عند الله والدرجة اللي عندهم من عند الله، جائز يفعل ما يشاء، لكن الله أخبر بكذا بأنه هم ناجون يوم القيامة كذا، ف يستحيل أن يتخلف ما وعد الله أو ما توعده. من بعض الناس مثال أرجع donc on a dit il y a le possible par déduction. L'exemple qu'il a donné il est cité dans le hadith. L'exemple c'est Allah dit dans le Coran dans le hadith le prophète dit dans le hadith إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Si Dieu châtiait tous les gens des cieux de la terre, y compris les anges, les prophètes, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Parce que c'est lui qui a créé leurs actes, les prophètes, c'est Dieu qui leur a donné la préservation, le degré, chaque instant c'est créé par Dieu, les prophètes, les anges, leurs paroles, leurs pensées, c'est Dieu qui crée la parole des prophètes, etc. C'est pour ça que le prophète dit, si Dieu les châtiait tous, il ne serait pas injuste. Donc c'est ça, le possible par déduction, c'est que Dieu châtie les gens qui n'ont jamais désobéi. Ça s'appelle possible, rationnel, par déduction. Mais, étant donné que Dieu a informé qu'ils ils seront récompensés, c'est impossible que ce soit autrement, parce que ce que Dieu a informé, c'est impossible qu'il n'en devienne autrement. Donc, vous voyez la subtilité dans cette chose, c'est important de savoir. Et c'est, en fait, ces détails-là, ça permet de discuter. Vraiment, ça permet de discuter. Par exemple, si tu es dans un débat, des gens, ils ont des questions vraiment qui vont loin, ou des athées, ou des gens qui se posent plein de questions, ils ont trop lu, ils ont trop philosophé. Si tu n'as pas ces bases-là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu dis, je m'arrête là. Si tu ne sais pas, tu t'arrêtes. Pour rentrer loin, ça a besoin de ces détails-là. Sinon, tu es perdu. Il va t'emmener, tu vas te noyer, tu vas couler avec lui. tires trop fort, c'est cool. Dans la natation, c'est pour sauver quelqu'un qui bouge trop, ou mer agitée, il faut être un expert. Pas un simple débutant qui vient d'apprendre à nager dans la piscine. La religion, bah, c'est pareil. Si tu n'as pas le niveau, tu vas couler avec lui. Donc, alors dans ce cas-là, tu t'arrêtes. Comme, ça, comme on a dit l'autre fois, quelqu'un il parle, il fait des débats avec des non-musulmans, et ils l'ont fait couler avec eux dans la mécréance. On ne va pas citer, non, mais tout le monde le connaît ici. Il faisait des débats, tout. Et en fait, ils connaissaient leurs contradictions, mais ils ne connaissaient pas les fondements. Comme si quelqu'un connaît les failles de l'ennemi, mais il n'a pas assez d'armes. Même si tu connais les failles de l'ennemi, tu n'as pas les armes, tu vas couler. Donc, alors, justement, c'est le sujet, on a dit, il débattait, mais il ne connaissait pas, il est tombé dans le piège. Parce qu'il ne connaît pas ce sujet-là. Et même, tu peux tomber sur des... Une fois, on était au marché, on faisait un clin d'œil, il y avait des maghrébins qui tenaient les commerces, et ils ont dit des stupidités. Et la réponse, c'était dans ces détails-là. C'est impossible que la réalité de la chose s'inverse. L'impossible, rendre possible l'impossible, c'est contraire à l'islam, c'est contraire à la religion. L'impossible ne peut pas devenir possible. Donc, alors, on a dit, quand on dit Dieu tout-puissant, c'est ça qu'on voulait, on a entamé l'autre fois. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, ma'naha al-ja'iz. الشيء هنا الجائز عقلي لأنه يجيك واحد وهذا في المناظرات هيك حصل في المناظرات حصل هكذا يقول له أنتم تقولوا المسلمين الله قادر على كل شيء ما لا قادر يكون له ابن جاهل يسكت ولا يعني يقع في الكفر وهذا شفناها يعني هذا ليس عذر ما عندوش عذر الإنسان تجويز المحال تكذيب الدين هذا نفس الشيء يقول قادر أن يكون واحد واحدين يقولوا قادر يكون يعني ذبابة هذا كفر وضلال يقولون هاك النصارى أكثرهم يقول لك هيك تكلمت بعضهم مع بعضهم يعني للمناظرة يقول لك الله قادر على كل شيء قادر يكون له هذه يسمونها تجويز محال قلت إذا أنا قلت له إذا تقول هذا الكلام ليعبد البقرة وش يقول لك الله قادر يكون بقرة سكت أنا قلت له عقيدتك سخيفة قلت له هذا تجويز المحال عندما نقول كل شيء قدير معناه الجائز العقلي لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلا فلا يصلح أن يكون متعلق القدرة لا يصلح أن تتعلق به القدرة وليس لأن الله عاجز إنما هذا لا يقبل الوجود أصلا فلا تتعلق به القدرة هذه أشياء سهلة ما تحتاج تكرار نفس الجواب يقول لك جيك كافر يقول لك قادر يعدم نفسه قادر يكون بقرة قادر يكون ذبابة أو يقول مرة واحد في السوق قال قادر يكون فوق العرش أو في السماء هذا نفس الكلام يقول الله قادر أن يكون بقرة أو ماذا جوز المحال العقلي جوز المحال العقلي نفس الكلام يجيك واحد يقول قادر يعدم نفسه هذا يسموه تجويز المحال إذن المستحيل لا ينقلب جائزا إذن نقول على كل شيء قدير مثل هذا مذكورة في السنوسية وفي ابن عاشر قروا فيها الأولاد الصغار هذه قبل إذن هذا تجويز المحال مش يبدأ الإنسان راسخ وثابت في الدين في العقيدة إذن المحال لا ينقلب جائزا المحال في حق الله المكان المحال في حق الله الشريك الضعف التغير الإبن هذا لا ينقلب جائزا فلا تتعلق به القدرة فهمت كيف؟ إذن جواب هذا قل له المحال لا ينقلب جائزا هذا محال عقلي فلا يمكن أن يكون جائزا بما أنه محال لا تتعلق بالقدرة لأن الله بقدرته يوجد ويعدم يوجد ويعدم Donc, par exemple, ces gens-là, par exemple, ceux qui attribuent à Dieu le Fils, ou ceux qui attribuent ou ceux qui adorent des vaches, ils vont dire, je vais avoir un fils. Comme ça, ils disaient, ou pour s'anéantir, ou pour être dans le ciel. C'est quoi? C'est l'impossible rationnel. Donc, rendre possible l'impossible. Et l'impossible ne peut pas devenir possible. C'est de l'absurde. L'impossible ne peut pas devenir possible. Ça s'appelle l'absurde. Ça s'appelle l'absurde. L'impossible ne peut pas devenir possible. Donc, vu qu'il est impossible, n'admet pas l'existence ou la confirmation, ce n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse dans la puissance de Dieu, mais c'est que cette chose n'admet pas l'existence, donc elle n'est pas valable qu'elle soit concernée par la puissance de Dieu. C'est ça qui est à retenir. Donc quand on dit Dieu tout-puissant sur toute chose, ça vise le possible rationnel. Donc si quelqu'un ne connaît pas ça, il peut tomber dans ces gens-là. Il toque chez les gens, n'est-ce pas? Même en hiver, même dans un quartier où il y a des maghrébins, ils viennent, ils toquent. Je pense que chacun, ils ont dans sa vie, ils sont venus toquer chez lui. Ils te donnent des livres en arabe, en kabyle, même en langue africaine aussi, j'ai vu. Donc, gratuit, tout ça. Et ils te sortent des phrases comme ça. Si tu ne sais pas, tu tombes dans le piège. Tu n'as pas d'excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Al-jahl, laysa 'udhr. Al-jahl, laysa 'udhr. Idhan, al-muhalu la yanqalibu jaizan. Al-muhal, la yanqalibu. Ibn, sharik, jiha, al-makan, al-taghayyur, al-lawn, al-shakl, al-'ajz. Hadha muhal 'aqlan fi 'aqlillah. Fala yanqalibu jaizan. Fala tata'allaqu bil qudrah. La faiblesse, l'incapacité, l'impuissance, etc., le fils, etc., c'est impossible rationnellement au sujet de Dieu. La raison ne l'admet pas, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Et donc, وكذلك بمشيئة الله مشيئة الله قدرة الله تتعلق بالجائز. La puissance de Dieu, la volonté de Dieu concerne le possible rationnel. La puissance de Dieu, la volonté de Dieu concerne le possible rationnel. إذن تبع يعني كذلك مثل ما قلنا كل ما أخبر الله أنه سيكون هذا لابد أن يكون فهذا يعني لا يقبل يعني التغير مثال الله أخبر ليموت كافر خالد في جهنم إذا إنسان يقول ربما الله تعالى يغير ويعضعهم في الجنة هذا كافر لأن الله لا يتغير الذي يتغير مخلوق يحتاج لمن يغيره. Donc bien sûr, comme on a dit, ce que Dieu a informé qu'il aura lieu, c'est impossible que ça change, parce que c'est impossible le manquement de ce que Dieu dans ce que Dieu a informé. Par exemple, Dieu a informé que celui qui meurt mécréant, il est pubère, saint d'esprit, il meurt mécréant, il va en enfer pour l'éternité. Si quelqu'un dit non, mais peut-être Dieu les mettra au paradis, c'est de la mécréance. C'est attribué à Dieu le changement. Attribué à Dieu le changement, c'est un blasphème. Car celui qui change est créé, a besoin de qui l'a fait exister. Et le besoin contredit la divinité. إذن هذه هي يعني مهم إنسان يعرفها ويحفظها إنسان يدافع الدين الرسول قال بلغ عني ولو آية عليه الصلاة والسلام donc c'est important de connaître et de le prophète il a dit ce qui signifie transmettez de moi ne serait-ce qu'une aïe donc ça c'est des règles importantes. D'accord. Oui. Je voulais revenir sur le point de la toute-puissance de Dieu quand tu expliquais que ça ne concerne que le possible rationnel. Si la personne poursuit en disant mais pour pourquoi c'est impossible rationnellement que on explique que c'est pas de lui. Bon, déjà il faut qu'il comprenne le jugement rationnel, comme on a expliqué. D'abord, il faut comprendre le jugement rationnel. Si quelqu'un il n'est pas d'accord, par exemple, sur le fait qu'un objet ne peut pas être en mouvement et mobile à la fois, lui, il a un problème de raisonnement. Comme on dit dans le dialecte, il manque une case. Donc, je ne peux pas aller plus loin. C'est ça, il faut. Dans l'islam aussi, il y a une règle. Si on sait des gens, ils ne vont pas comprendre. On ne discute pas avec eux pour qu'ils ils vont s'empirer dans le mal. Il faut aller par étapes. Si quelqu'un, tu vois, il n'est pas d'accord avec une chose de simple, tu arrêtes là. Parle du beau temps, le soleil, la lune, la verdure. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui ouvre le cœur. Donc, s'il n'est pas d'accord avec, il ne comprend pas, il a donc, il ne peut pas aller plus loin. Donc, il a un problème de raisonnement. Quand on dit il a un problème de raisonnement, bon, on parle, il n'est pas fou, mais il est bloqué, il est voilé. Il n'y a pas d'excuse, parce que l'excuse, c'est que celui qui n'a pas vraiment la raison. Il y a des gens, ils ont la raison, mais ils sont. Ils sont orgueilleux, ils ont plein mélange à l'intérieur de maladies spirituelles, enfin psychiques. Il veut pas, il veut se montrer supérieur. Tu sais pas ce qu'il a à l'intérieur. Tu dis un ballon, une pierre, elle peut pas être mouvée à la fois. Donc il a pas d'excuse dans l'islam. Dieu t'a donné la raison. C'est un outil qu'il t'a donné, si tu ne l'utilises pas, tu n'as pas d'excuse. Parce que les animaux, ils n'ont pas la raison, ils ne rendent pas des comptes. Quelqu'un qui n'a pas la raison, le vrai fou, il ne rend pas des comptes s'il meurt avant la. C'est-à-dire s'il avait perdu la raison avant la puberté. Il ne rend pas des comptes. Mais s'il a perdu après la puberté, il va rendre des comptes de la période où il avait la raison, bien sûr. Donc c'est des choses de base en fait. Donc il y a des gens, ils comprennent bien sûr, puis il y a d'autres, même les choses simples, ils comprennent. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est clair. Donc est-ce que il y a besoin de revenir sur un point particulier sur, donc on va voir. Donc, ça, c'est des sujets qui il y a besoin d'être répété, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que la personne relie, c'est ce qu'il disait. Donc, Maillard, justement, il disait ça. Il disait qu'il faut répéter, jusqu'à ce que la personne, donc ça devient quelque chose de fluide pour elle. Ouais. Mais sur l'impossible, on ne peut confirmer quelque chose d'impossible. Si on peut confirmer. Si. J'ai pas compris. Sur l'impossible rationnel. Mm-hmm. Il est possible de le confirmer et de le nier. Non, il n'est pas possible de nier. Impossible rationnel. Oui. L'impossible rationnel, c'est ce qui n'amène pas la confirmation. Voilà. Ça veut dire quoi la confirmation? C'est-à-dire, on peut pas confirmer telle chose, ça ne se confirme pas. Par exemple, comme l'exemple qu'on a donné. La moitié de 2, ça ne peut pas être égal à 5. Oui. Ça ne peut pas être vrai, c'est ça que ça veut dire. Ça ne pourra jamais être vrai. Voilà un autre exemple pour la première question. S'il n'est pas d'accord, s'il dit pourquoi la moitié de la pomme, c'est plus petit que la pomme. Il dit non, je ne comprends pas pourquoi. Et celui-là, tu ne veux pas discuter avec lui. C'est comme ça et pas autrement. Il y a des choses, c'est. La partie d'une chose, c'est forcément plus petit que la chose. D'accord. Donc, dans cet exemple-là, on ne peut pas confirmer que cette chose-là est vraie. Mais on peut confirmer que cette chose-là est fausse, non? Ah oui, non, mais confirmation ici, c'est dans le sens que ça sous-entend en fait, c'est une traduction, mais bon, quand on dit ça n'admet pas la confirmation, c'est, bien sûr, c'est la confirmation dans un sens. Mais confirmer la négation, ben, voilà. Tu changes de. C'est autre chose. D'accord. C'est l'inverse. Ça revient. Deux fois la négation, ça fait une confirmation. Ça, c'est dans la logique, quoi. Donc, ça, c'est sous-entendu. Donc, voilà, c'est des choses de base. On va pas tourner comme ça, bon, bon. Donc, c'est ça que c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, quand on dit ça ne met pas la confirmation, c'est-à-dire, on ne peut pas affirmer, c'est impossible, c'est pas admis d'affirmer que c'est vrai. Un objet, il ne peut pas être en mouvement ou mobile à la fois. C'est ça. Et ça veut dire donc, ça veut dire que le fait de dire qu'il ne peut pas être mobile, mouvant et mobile à la fois, c'est une vraie phrase. C'est ça. Mais de dire, donc, il peut être là, c'est pas bon. Ça peut pas se confirmer, cette phrase-là. Donc, forcément, on confirme la négation. On confirme pas l'affirmation. Donc, est-ce que c'est clair? قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. C'est-à-dire, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans le changement du jour et de la nuit, et des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc là, on est vers la fin. Donc, et là, on essaie de un peu de bien cerner ce qu'on a fait. Et donc, c'est maîtriser ces sujets-là, ils sont très importants. Donc voilà, parce que donc ça c'est هذا يعني العقل سبب للمعرفة العقل سبب للمعرفة وصنع هناك الحواس السليمة والخبر الصادق هذه أسباب المعرفة للخلق ثلاث العقل كما شرحنا الحواس السليمة النظر ذوق السمع البصر هذه حواس سليمة والخبر خبر يعني الصادق donc en réalité on a vu un grand point mais il y a aussi c'est les trois causes de connaissance il y a trois causes de connaissance pour les créatures la raison c'est ce qu'on vient d'expliquer il y a les cinq sens et il y a la nouvelle véridique. Donc ça, c'est par ces trois choses, tu montres que l'islam est vrai. Par la preuve rationnelle, parce que c'est la source de connaissance. Et il y a une autre source de connaissance. Quand on dit source de connaissance, ça veut dire catégorique et irréfutable. Il y a trois sources de connaissance catégoriques et irréfutables. يعني أسباب للعلم القطعي اليقيني ثلاثة العقل والحواس السليمة والخبر الصادق. Donc, les trois causes de la connaissance catégorique irréfutable, trois. La raison, donc les détails qu'on a expliqués. Les cinq sens, sains. Si tu vois le monde là, tu ne doutes pas un instant que tu es dans la salle, la voie Ruyant, et que tu vois, voilà, le mur il est vert, il y a du blanc, et ça, il y a des gens. Donc, si quelqu'un ne croit pas au sens, celui-là, tu ne vas pas parler avec lui. Il y en a. De nos jours, des gens qui ont fait Bac plus 5, même doctorat. Tu dis, ouais, bon. Ils appellent ça, je ne sais pas quoi, là, quantique. Ou, c'est la nouvelle mode, là. Tu dis, ouais, bon. Toi, tu existes parce que je te vois. Hein. Et, parce que l'autre il me voit, c'est du n'importe quoi, quoi. Mais si on lui donne une gifle, il va dire, ah oui, là, la gifle, là, c'est la... Donc il y en a des gens comme ça. Donc le doctorat et tout, il te dit, ah ben c'est imaginaire là. Il te dit tout, c'est relatif, c'est imaginaire. Mais s'il prend une gifle, il va savoir que c'est pas relatif et imaginaire. C'est réel la douleur. Donc, alors, il y a les trois sources de connaissances catégoriques et réfutables. La raison, les sens. Après, à la rupture, si tu prends les dates, tu sais bien que c'est du date, c'est pas du sel. Tu ne doutes pas un instant que c'est du sel. Donc, alors, c'est une connaissance donc catégorique et réfutable. Et la nouvelle. Alors là, la nouvelle véridique. Il faut qu'elle soit véridique. Il y a des conditions donc qui permettent de savoir des pays lointains ou des royaumes passés. D'accord ? Aussi, ça permet de savoir une source de connaissance catégorique et réfutable. Donc, elle est de deux sortes. Ça, on verra la prochaine fois en détail. Sur les trois sources de connaissances. Mais en fait, comme ça, pour situer le contexte. On a vu la raison, puis elle fait partie d'un ensemble. C'est les sources de connaissances catégoriques et réfutables. C'est expliqué par des grands savants, bien sûr, comme Nasafi dans son traité de Nasafi. Donc les musulmans, ils expliquaient ça. Pourquoi ? Ils sont intelligents, les savants de l'islam. Rasoul qal, l'ulama wa rathat l'anbiya. Fakru ba'id. قولك بش تحمي الدين بس الناس تبع عندها سلاح قوي سلاح ما هو العلم donc pour protéger la religion les savants c'est des gens ils ont passé donc ils ont la sagesse ils ont étudié la religion les hadiths du prophète etc c'est des érudits donc ils voient loin donc ils ont enseigné ces choses là et puis il y avait les gens qui essaient de les philosophes, les gens qui veulent endoctriner les gens, les mettre en doute. Même à l'époque du prophète, il y avait des gens, ils essayaient de mettre en doute, semer le doute, etc. C'est dit dans le Coran. Et les savants, ils donnaient ces détails-là pour répliquer tout ça. Comme ça, la personne est protégée. Donc, les sources de connaissances, il les citait. Parmi ça, le traité très connu, Nasafi. Le traité de Nasafi. Nasafi, c'est une région, Nasaf. Donc, comme le Bukhari, on l'appelait Bukhari. Donc, c'est un étude des savants. Pour ça, on dit notre cheikh, le cheikh al-Habashi. Les gens ignorants disent, oh, c'est quoi al-Habashi ? Mais du Bilal al-Habashi, c'est quoi ? On dit le Ziri, Maghrebi, Tunisie. Bukhari, beaucoup de savants, on l'appelait par sa région. Il est où le problème ? Suhaib al-Rumi. Salman al-Farisi. Donc, voilà. Donc, les gens l'appelaient par leur région. Donc, ce qui compte, c'est être conforme à la religion. Conforme à la religion. Donc, il y a des gens, on peut les manipuler facilement. Ils entendent un mot, ça y est, ils ne raisonnent plus. Il faut peser, il faut prendre du recul. Analyser, c'est connu, même dans la science mondaine, le chef général, il analyse la situation, comme ça. Le chef d'entreprise, il analyse, il ne se hâte pas, il voit la portée des actions, etc. Dans la religion, il faut analyser les phrases avant de foncer dans le mur, comme ça. Alors, voilà pour comprendre. Voilà, Nasafi. Qui parle, donc il est né, donc il est décédé 537 de l'Hégire. Déjà, donc ça fait du temps. Donc il donne sur ça, en fait, justement, on verra les sources de connaissances. Par exemple, je donne un exemple simple. Tout le monde ici, il n'a jamais vu que sa mère, c'est sa mère. Il ne sait pas avec la raison que c'est sa mère. Comment il sait alors ? Par la troisième catégorie. Ce n'est pas par la raison qu'il sait que c'est sa mère, c'est pas par les sens. Parce que quelqu'un, il a vu que c'est sa mère. Personne n'a vu que c'est sa mère qui l'a donné une naissance. Ça n'existe pas, quelqu'un, il a vu sa mère qui l'a mis au monde. Comment il sait alors que c'est sa mère? Par la nouvelle. C'est tout. Donc si quelqu'un nie la nouvelle, il va nier son origine. Donc, c'est la troisième source de connaissance. Donc on sait les choses de trois manières seulement. Donc, la nouvelle véridique, les sens qui sont saints. La nouvelle, elle est de deux sortes. Tu vois, deux sortes, la nouvelle confirmée par un grand nombre de gens, etc. Et la deuxième, c'est la nouvelle du prophète, qui est confirmée par le miracle. Donc, alors, voilà un exemple simple à donner, même à des non-musulmans, tu dis, personne n'a vu que c'est sa mère, il sait comment par la nouvelle. Ça, c'est pour confirmer, ce troisième catégorie, c'est pour confirmer surtout la prophétie. C'est rapporté, etc. Donc, vous voyez, donc, les preuves qu'ils donnent, c'est ça, la force des musulmans. C'est pour ça, dans beaucoup de pays, quand ils étaient colonisés, etc., même dans les mosquées, maintenant, ils n'enseignent pas ça. Comme ça, les gens restent vides. Ils disent, donnez l'argent. On va construire ça. Ils sont forts pour demander l'argent dans les mosquées. Une soirée, on a ramassé 10 000 euros. Comptez l'argent, après les vidéos, ça tourne. Ah, ils sont très forts. Ramasser les mosquées, faire des jolies, de l'apparence. L'apparence, ils sont très forts. Mais à l'intérieur, ah, ils ne connaissent pas. Tu demandes à l'imam. Comment la direction de la prière, c'est comment? Ah, comment le temps des prières? Ah, on regarde le papier. Je ne peux pas t'expliquer. Donc, et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. C'est l'ignorance généralisée de la science de la religion. Excuse-moi. Oui. La raison, elle ne permet pas de confirmer que ta mère, c'est bien ta mère. Mais on sait bien qu'on est forcément né d'une mère. Non, je parle, tu sais pas, une telle, c'est ta mère. Ah, que cette personne désignée est bien ta mère. Ouais. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Puis, rationnellement, c'est Naïs, donc on peut, rationnellement, on peut naître sans mère. Ça, la raison l'accepte. C'est Naïs, il est né, c'est Adam, et Dieu l'a créé sans père ni mère. C'est impossible rationnel, ça. Ça, le but de comprendre, c'est que... Mais l'habitude, c'est que tu nais avec une mère. Voilà. Si tu nais sans mère, c'est extraordinaire. Donc, comme les gens, serviteurs des gens du paradis, Wildel Mukhaladoun, ils n'ont pas de mère. Ils ont été créés directement. Les femmes du paradis, Hur al-Ayn, c'est sans mère. Laïsou Mnal Bachar, Hur al-Ayn. Mandarha, Mithl Nisa, Mamashi Mn Bani Adam. Ça ressemble à des femmes, oui, mais c'est pas des. Ils sont nés de Adam, descendants des femmes du paradis ou les gens, serviteurs des gens du paradis. Donc c'est sans mère ni père. Bien sûr, Dieu peut créer tout le monde en un instant, avec tous les humains qu'il y a dedans. Hein. D'accord? C'est clair? Ouais. Donc, on finit dans 3 minutes. Oui. Tu peux expliquer la nouvelle, parce que là, tu as donné un exemple. Oui. Pas expliquer le... En fait, je donnais un peu des aperçus pour expliquer la prochaine fois. En fait, ah, en réalité... C'est le bon annonce. Ouais, c'est comme dans les bonnes annonces. Ils la font bien, la bonne annonce, comme ça tu es. Ça, tu vas voir. Le suspense. Bon, c'est vrai que là, c'est la religion, c'est plus important. Mais s'il y a un sujet, qu'est-ce que tu n'as pas compris précisément? Oui, on a besoin de comprendre. Parce qu'on dit la prochaine fois, Inch'Allah, mais on ne sait pas si on traduit. Donc, c'est quoi que tu n'as pas compris exactement sur la nouvelle? Comme ça, on explique au moins. Moi, j'ai compris l'exemple que tu as donné. Ouais. Tu ne reconnais pas ta mère comme tu reconnais ta mère. Mais la définition. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai pas donné, c'est vrai. Donc la nouvelle, alors, donc elle est de deux sortes, en fait. Enfin, nouvelle, déjà, c'est rapporté. D'accord? Ça rentre en compte la bouche et les oreilles. Donc, c'est rapporté. C'est ça, rapporté par des gens. Par exemple, pour ta mère, tu crois, tu doutes pas que c'est ta mère parce que tous les gens qui sont autour de toi, ils confirment ça. Si tous les gens autour de toi, ils disent non, tu vas douter. Parce que t'as pas une source par les sens. Donc, alors, c'est rapporté. C'est ça la nouvelle. C'est ce qui est rapporté. Par exemple, savoir que la Chine existe, tu ne doutes pas. Parce que beaucoup de gens, ils ont vu Napoléon, Lénine, etc., Staline. Beaucoup de gens, ils ont vu, ils ont rapporté. D'accord? C'est une nouvelle rapportée par un grand nombre de gens. À chaque, c'est-à-dire niveau, ils étaient nombreux. Qui s'appuient sur la vision ou l'ouïe. Ça ne s'appuie pas sur une théorie. Parce qu'il se peut que dans sa cave, il a fait une théorie, ça s'est propagé à des milliers de gens. Ça pas une nouvelle qui remplit ces conditions. Il faut que beaucoup de gens, dès le début, ils aient vu. À chaque niveau, ils étaient beaucoup. Sinon, ça ne remplit pas les conditions. D'accord? Et l'autre sort, c'est le prophète, appuyé par le miracle. Parce que là, même s'il est tout seul, Dieu lui a accordé une chose extraordinaire. Ça confirme, vu que Dieu a changé l'habitude pour lui, c'est pour l'appuyer. Donc là, ça oblige de croire. Ça rentre comme la catégorie de la nouvelle véridique. Donc c'est une catégorie. C'est catégorique irréfutable. Quand le prophète dit une chose, qu'il a un miracle, c'est catégorique irréfutable. Sinon, Dieu ne l'aurait pas accordé ce miracle-là. Voilà. Donc on reprend rapidement, juste pour finir. On a vu la puissance de Dieu concerne le possible. Donc, ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire, parce que l'impossible n'admet pas la confirmation et l'obligatoire n'admet pas la négation. Donc, il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. D'accord? C'est important de comprendre les choses par étapes jusqu'à bien maîtriser. Et donc, on a le wajib, huwa ma la yaqbal an-nafi, wa al-mustahil ma la yaqbal al-ithbat. فلا تتعلق به قدرة الله. قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي وهي المخلوقات الممكنات. Donc la puissance de Dieu concerne le possible. Ce sont les créatures qui admettent le fait d'exister ou non. Et donc, le مكان والجهة والتغير والشريك والابن والفناء هذا كله مستحيل في حق الله. الجواب سهل قل هذا مستحيل في حق الله قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل donc c'est simple la forme, la quantité, la localisation le fils, la faiblesse, l'impuissance l'anéantissement l'associé, c'est impossible celui de Dieu la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible c'est la réponse à donner facilement à tous ceux qui prétendent ça ou ça ou ça ou ça je dis ça, c'est impossible rationnel, déjà comprends déjà avant de d'aller plus loin, comprendre c'est quoi l'impossible, le possible. Utilise bien ta raison déjà. Donc, rendre possible l'impossible, c'est un blasphème. C'est contredire la religion. D'accord? Tajwiz al-muhal, hada takdhib al-din. Tajwiz al-muhal, takdhib al-din. D'accord? Ça, c'est important. Je n'ai pas donné d'autres exemples. Je donnerai d'autres exemples quand il y aura le moment opportun, regardez. Parce que sinon les gens peuvent. Il y a d'autres exemples dans ce sujet-là. Dans ce sujet-là, il y a d'autres exemples qui font partie de l'impossible. Donc, qui est important de connaître. Et là, c'est important de réviser, de maîtriser. Donc, ça, pour bien le cerner. المستحيل ما لا يقبل الوجود l'impossible c'est n'admet pas la confirmation l'impossible n'admet pas la confirmation donc c'est ça qu'il faut